dernier bouillon et le dernier soleil. Le dernier papier et le dernier sanglot, en l'honneur de ta belle, en l'honneur de Margot. Tu pleuras quand même les années disparues, le petit gars de la rue, la jeune fille inconnue, le temps où l'on chantait en buvant de la bière, où l'on jouait aux poètes en se croyant Verlaine. On s'écoutait parler toute la nuit de voyage. Nous rêvions de navires, de radeaux de départ, poètes ou vagabonds, marchands ou bien marins, au hasard des escales jusqu'au petit matin. Tu nous foutais le cafard quand tu étais trop triste. Tu nous faisais sourire quand on avait envie. Tu prenais ta guitare et tu chantais pour nous. Chante encore un peu avant d'aller dans le trou. Nous n'irons pas pleurer à ton enterrement. On ira boire un coup chez Nestor ou Gontran. Allez, salut l'artiste, on baisse le rideau. T'auras peut-être ton nom ce soir dans les journaux. Allez, salut l'artiste, on baisse le rideau. T'auras peut-être ton nom ce soir dans les journaux.